le cul qui pue, j'ai le zizi qui fuit, j'ai les coucouilles qui mouillent, j'ai le prépu rompu, mais le prépu n'en parle plus.